Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Guémozo pour l'émission La parole est à vous. Alors la parole est ce soir aux unions de consommateurs, aux consommateurs en général, avec des dossiers en particulier de que choisir le mensuel de l'Union fédérale des consommateurs. Voilà, que choisir parle des urgences en situation d'hypertension. Ça, on le savait depuis un moment, ce qui n'empêche pas de prévoir, par exemple, sur remiremment et fermeture de lits, enfin, une diminution de personnel plutôt, et puis avec les risques que ça comporte de fermeture de lits à l'hôpital de remiremont. Alors, que dit que choisir? Dans les services d'urgence hospitalière, la tension est élevée. Et ce n'est pas une récente enquête. C'est l'enquête du syndicat national des praticiens hospitaliers, anesthésistes, réanimateurs, élargis. Et de SAMU Urgence de France, menée auprès de 1092 urgentistes sur leurs conditions d'exercice, qui la fera baisser. Aux urgences, les équipes sont incomplètes dans 85% des cas. Cela a trois conséquences. Temps de travail des équipes excessif, pénibilité accrue et recours croissant à l'intérim médical. Ce sombre tableau est complété par des difficultés permanentes pour trouver des lits en aval des urgences et des plateformes de réception d'appels au SAMU, le centre 15, qui sont insuffisamment dotés en personnel. L'usager est alors en droit de se demander si la situation décrite interfère réellement sur la qualité des soins fournis. Cette interrogation est légitime, d'autant que l'on manque d'indicateurs pertinents pour y répondre objectivement. C'est ce que souligne le docteur François Braun, président de SAMU Urgence de France. Il note aussi que si le nombre de dossiers ouverts par les SAMU augmente chaque année, les interventions des SMUR, équipes médicales mobiles, quant à elles, restent stables. On peut avoir la tentation de se freiner sur l'envoi d'un SMUR s'il y a une situation très tendue dans le service d'urgence auquel il est attaché, des personnels étant alors débordés. C'est ce que reconnaît le médecin. Au risque de rater une vraie urgence, il précise cependant qu'au cours des dernières années, il n'y a pas eu d'augmentation des contentieux impliquant les SAMU. Tout au plus une légère hausse du nombre de réclamations. Voilà, bon, ce qu'on peut donner comme commentaire, c'est l'expérience vosgienne, l'expérience de nos vallées. Remiremont, c'est vrai que des personnes attendent dans le couloir sur des brancards. C'est vrai qu'à Épinal, à certaines époques, au moment de canicule, il y a eu des durées de 12 heures aux urgences avant de pouvoir recevoir des soins, bon, etc. C'est vraiment très, très difficile, les urgences en France. Voilà, et puis il parle toujours de supprimer du personnel. Donc à partir de ce moment-là, on ne voit pas comment que ça pourrait s'améliorer. Alors on va passer à un autre service public qui est la Poste. Et que choisir de dire recommander, mais pas rapide. Si les usagers savent qu'une lettre commandée avec accusé de réception leur permet de posséder une preuve de sa bonne réception, ils sont également nombreux à penser qu'elle va vite, plus vite qu'un envoi normal. À l'instar de Michaela, est-ce pour que le courrier urgent adressé à la complémentaire santé de sa fille ne traîne pas, elle avait donc choisi ce service postal. Or, la lettre a mis plusieurs jours avant d'être reçue par son destinataire. L'apprenant, Michael S., a réclamé un dédommagement. La Poste lui a opposé une fin de non-recevoir, rappelant que la lettre recommandée ne bénéficie pas d'un engagement de distribution. Seuls Colissimo et Chronopost s'engagent sur les délais. Pour ce type de courrier, une indemnisation ne peut être envisageable qu'en cas de perte ou d'avarie, selon un barème préétabli. Alors, bon, que dire par rapport à ça? Un petit commentaire, Mon expérience vosgienne et puis l'expérience aussi d'une permanence juridique où, bien sûr, qui oblige à envoyer certains courriers recommandés. Et puis, on a vu quand même une détérioration assez manifeste des délais pour une lettre commandée de, bah, par exemple, de Remiremont-Épinal, Épinal-Remiremont. Hein, souvent, on a un délai de 3 jours pour recevoir une lettre commandée dans les Vosges. Alors, ne parlons pas des lettres rouges. Les 24 heures sont rarement respectées, et les lettres vertes, alors là, les 48 heures, n'en parlons pas. Hein. C'est plutôt, il faut plutôt compter, à certains moments, une semaine pour recevoir une lettre verte. Alors, je conseille fortement aux usagers de la poste de ne pas poster en lettres vertes, parce que, bah, finalement, ça risque de traîner, à moins que vraiment on ait le temps. Autrement, ça risque de traîner un certain temps. Alors, on va changer de sujet, et puis on va parler du tarif réglementé du gaz. Vous pouvez y rester jusqu'en 2023. On a encore un peu de temps devant vous. C'est une drôle de mésaventure qu'a vécu Jean-Louis P. le 24 mars dernier. Il est démarché par Engie, chez qui il est déjà client au tarif réglementé. Le commercial sait y faire. Il signe pour une offre à prix fixe. Mais Jean-Louis compare ensuite les prix à tête reposée et comprend qu'il est perdant. Il se rétracte début avril et demande à Engie de le repasser à son ancien contrat. L'opérateur historique refuse, lui assurant que la loi Pacte, adoptée le 11 avril dernier, lui interdit de faire souscrire au tarif réglementé. Qu'Engie tente par tous les moyens de placer ses offres à prix de marché, ce n'est pas nouveau. Il a même été condamné à verser 1 million d'euros de dommages et intérêts à EDF pour ses démarchages abusifs, effectués en se faisant passer pour EDF. Pourtant, Engie n'a pas trompé Jean-Louis. La loi Pacte met bien un terme aux tarifs réglementés du gaz. En 2023, la promulgation du texte signera la fin de l'ouverture à la souscription. Mais tout client qui le souhaite peut y revenir jusqu'à cette date. Que choisir, mais donc en garde. Le démarchage va redoubler. Les commerciaux vont prétendre qu'il faut changer de tarif tout de suite. Or, vous avez bien jusqu'en 2023 pour en décider. Pour trouver les offres les plus compétitives, vous pouvez consulter le comparateur de Que choisir, comparateur énergie, sur le site quechoisir.org. Voilà, bah, puisqu'on est un peu dans l'énergie, parlons du photovoltaïque. Hein, le photovoltaïque, et puis les panneaux solaires qu'on vous vend. Alors, que choisir de dire « ne tombez pas dans le panneau ». Les consommateurs ayant acheté des installations de panneaux photovoltaïques à des montants prohibitifs peuvent s'appuyer sur la Cour de cassation. Elle a rendu plusieurs arrêts mettant en cause la responsabilité des banques et cassant les décisions des cours d'appel qui imposaient aux clients de rembourser les prêts souscrits à la commande, en vertu de l'article L. 311-31 du Code de la consommation. Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Assènent les magistrats. Les hautes juridictions soulignent ainsi que la prestation de raccordement à Enedis n'est pas annexe, qu'elle fait au contraire partie intégrante du contrat d'installation, y compris si les documents signés par les clients ne le précisent pas. Même l'attestation de fin de travaux ne suffit pas à déclarer la prestation remplie. Solfea et Sigma, filiales du groupe BNP, ont débloqué les fonds sans s'être assurées de cette exécution complète du contrat. Elles ont ainsi commis une faute et ne peuvent donc pas exiger le remboursement du crédit. La société Cofidis se voit, pour sa part, reprocher d'avoir libéré les fonds sans vérifier la date de la signature de l'attestation ou de la réalisation des travaux, alors qu'elle était raturée sur le document. Sigma, pour avoir versé les fonds alors que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, les dispositions régissant ce type de vente n'ayant pas été respectées. Si vous avez signé par mégarde contactez l'association locale UFC Que Choisir de votre département. Ses conseillers litigent, traquent les erreurs des bons de commande pour faire annuler les ventes. Voilà. Or, il y a d'énormes problèmes hein, pour les panneaux photovoltaïques, hein, parce qu'il fut un temps, si on voulait vraiment dégoûter le consommateur de poser des panneaux, bien, il suffisait de constater ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années en arrière, hein, où véritablement, des gens se sont fait littéralement escroquer par des entrepreneurs peu scrupuleux. Hein. Bon, je sais bien qu'il y a toujours le crédit d'impôt, mais quand même, c'était des prix prohibitifs et puis des installations qui étaient plus ou moins bien montées. Hein, en sachant qu'on a vu une entreprise sur Remiremont, qui a fait faillite depuis, bien évidemment, faire poser des onduleurs par une personne qui n'avait aucune qualification en électricité. C'est dire un peu le peu de sérieux que certains opérateurs avaient... avait mis dans la pose des panneaux photovoltaïques, hein, sachant aussi que la garantie décennale n'était pas forcément au rendez-vous. Ce qui fait que des personnes qui ont eu des problèmes avec des panneaux photovoltaïques n'étaient pas remboursées par l'assurance. Enfin, l'intervention de l'assurance, il n'y avait pas d'intervention d'assurance possible dans le cadre de la garantie décennale. Voilà, donc méfiance, et puis sur les délais, bon, bien sûr, il faut que le contrat soit signé, mais que tous les partenaires soient au même niveau d'information. Voilà, alors on va changer de sujet, on va parler de pêche électrique. Courant coupé dans 2 ans. Enfin, la pêche électrique sera définitivement interdite dans les eaux européennes à compter du 1er juillet 2021. Le Parlement européen a voté la loi à 57 voix pour et 60 contre. Et une nouvelle licence sera accordée d'ici là. Ce délai de 2 ans invoqué pour la reconversion des navires concernés touche essentiellement les Pays-Bas, champions de la pratique en Europe. Le nouveau texte permet en outre une interdiction immédiate de la pêche électrique dans les eaux sous souveraineté française. Et encadre strictement les pêches menées à des fins scientifiques. C'est ce que précise le ministère de l'Agriculture. Alors, une bonne nouvelle pour nos poissons. Voilà, ben oui, ça paraissait... Or, que dire des grands chalutiers qui vont très loin et qui raclent jusque le fond des mers, j'allais dire. C'est, là encore, une pêche industrielle, une pêche... intensive, qui nuit quand même à la reproduction des poissons. Et si on veut, dans l'avenir, encore manger du poisson, ben, il y aura peut-être intérêt à modérer la pêche et respecter les quotas. Voilà, on a le temps de s'accorder une pause musicale. Un petit coucou à Christopher, hein, qui assure la technique aujourd'hui. Je suis vert de colère contre ces pauvres types qui bousillent la terre, cette jolie terre que nos pères, nos grands-pères avaient su préserver durant des millénaires. Les rivières écument, les usines fument, les moutons mangent leur papa changé en granulé. Les déchets ultimes, la vache folle en prime, sont un petit cadeau du ciel de nos industriels. Je suis vert, vert, vert, je suis vert de colère contre ces fortunes qui bousillent la terre. De Brest aux Maldives vont à la dérive des poubelles radioactives jusqu'au fond des lagunes. Et même sans tapage, des maires de village en enfer dans leur commune pour faire entrer des thunes. Je suis vert, vert, vert, je suis vert de colère contre ces fossiles qui bousillent la terre. Les blés, les patates sont bourrés de nitrates, on shoot aussi bien les veaux que les champions au niveau. On se fait les tartines au beurre de dioxine, En voiture, on a le point vert pour doser nos cancers. Je suis vert, vert, vert. Je suis vert de colère contre ces pauvres qui bousillent la terre. Sous la couche d'ozone, l'oxyde de carbone d'une forêt si précieuse dans les tronçonneuses. L'air pur, ça me nuise, nos sources s'épuisent, mes colorants, salmonellose, nous font la vie en rose. Je suis vert, vert, vert, je suis vert de colère contre ces pauvres qui bousillent la terre. Pour qu'il n'y ait pas de panique, leur poison transgénique, ils les nomment science de la vie ou biotechnologie. Leurs gènes font la nique aux antibiotiques. Pour guérir nos infections, faudra de l'inspiration. Je suis vert, vert, vert. Je suis vert de colère contre ces pauvres qui bousillent la terre. Tous les ans, bonhomme, 7 milliards de tonnes de gaz mortel CO2 s'envolent dans les cieux. L'effet de serre menace, ça fait fondre les glaces. La mer monte, c'est sans danger, il n'y aura qu'à éponger. Je suis vert, vert, vert. Je suis vert de colère contre ces pauvres qui bousillent la terre. Il y a ceux qui chantent la chanson du profit contre tous ceux qui aiment la chanson de la vie. Voilà, la chanson de la vie contre la chanson du profit. Ben, ça ne date pas d'hier, hein, ça date d'avant-hier. Hein. Pierre Perret, c'était dans les années 80, donc il chantait ça. Puis de temps en temps, surtout dans un dossier consommateur, rappeler quand même que ça fait un moment qu'on aurait dû prendre des mesures beaucoup plus radicales pour préserver l'environnement et préserver la Terre. Voilà, enfin, la Terre n'a pas tellement besoin de nous pour continuer, hein, mais l'humanité, les animaux, la biodiversité, malheureusement, on est à la côte d'alerte. Voilà. Alors, on reparle en que choisir du dioxyde de titane, le fameux E171 qu'on trouve un peu partout. Hein, c'est un colorant rouge. Alors, le dioxyde de titane n'est pas exclu des médicaments. Après un cancer du sein, je dois suivre un traitement d'hormonothérapie. Et pendant 5 ans, absorber un comprimé qui contient du E171. C'est ce que raconte Joséphine L. Je prends quotidiennement un antihypertenseur. Au collaborateur ne propose une formulation sans dioxyde de titane. Le gynécologue de ma fille enceinte lui prescrit du fer qui en contient dans son enrobage. C'est ce que dit Odette L. Je retrouve du E171 dans la composition de presque tous les médicaments que j'avale en tant que diabétique, souligne Roger G. Dès nos premières alertes sur le dioxyde de titane, E171, et encore plus depuis son interdiction dans les produits alimentaires, les patients inquiets nous inondent de messages. Car si l'on a en général le choix de manger ou non des aliments contenant, les malades, eux, sont captifs et d'autant plus angoissés lorsqu'ils souffrent d'une maladie chronique et prennent chaque jour, des années durant, des médicaments qui suscitent leur méfiance. Pour expliquer sa décision concernant les produits alimentaires, le gouvernement a souligné que les connaissances scientifiques ne permettent pas de lever les incertitudes sur la sécurité de cet additif. C'est vrai aussi pour les médicaments, où le E171 joue également un rôle purement esthétique qui ne justifie pas de faire courir un risque aux patients. Mais à leur inquiétude, le gouvernement répond par une pusillanimité difficilement compréhensible et l'industrie pharmaceutique par un silence assourdissant. Ben voilà, on en parle depuis un certain temps, des mois, voire des années, du dioxyde de titane. Ce n'est qu'un colorant rouge qui est soupçonné d'être mutagène, cancérogène. Malgré tout, on continue. Voilà, et puis même dans les médicaments, c'est quand même le comble. Alors, puisqu'on parle de santé, passons au vaccin. Obligation approuvée. Invoquant la santé publique, le Conseil d'État a, d'une part, conforté le gouvernement dans son choix de rendre obligatoire 11 vaccins le 6 mai dernier. D'autre part, il a rejeté la demande de l'Institut pour la protection de la santé naturelle qui exigeait la commercialisation de vaccins avec des adjuvants autres que les sels d'aluminium. L'institution a toutefois rappelé l'État à son obligation de veiller à l'amélioration des connaissances sur l'aluminium et sur la possibilité d'utiliser d'autres adjuvants. Ben là encore, je parlais à l'instant du dioxyde de titane, de 171 qu'on trouve dans les aliments, qu'il faudrait éviter, qui n'est encore pas interdit en France et en Europe. Et puis il y a l'aluminium, les sels d'aluminium. Et dans les adjuvants des vaccins. Malheureusement, on en est toujours là. On n'arrive pas véritablement à trouver d'autres adjuvants, ou au moins supprimer cet adjuvant dans les vaccins. Voilà. Alors, puisqu'on parle de santé, toujours les médicaments, des short liners sanctionnés. Un total de 480 500 € d'amende a été infligé l'an dernier par l'Agence nationale de sécurité des médicaments, l'ANSM, à 5 grossistes répartisseurs de médicaments. Motif, ils manquaient leur obligation de proposer une gamme complète de médicaments et de livrer rapidement les officines. En réalité, derrière ces sociétés se cachent des short-liners qui tirent profit des déséquilibres du marché. Leur seule activité consiste à acheter au laboratoire des médicaments commercialisés moins chers en France pour les revendre ensuite à l'étranger, quand les prix y sont plus élevés. Ces manœuvres contribuent à leur pénurie qui touche de plus en plus souvent le territoire, même si elles sont loin d'être la seule cause. Voilà, bah oui, on a vu pour différents médicaments, que même des médicaments qui étaient essentiels pour la santé, on en restait à des pénuries. Et d'ailleurs, Que Choisir parle de la cortisone avec une pénurie confirmée. Rupture de stock depuis la mi-mai pour les dérivés de cortisone à base de prénisone, le cortensil est générique, et de prénisolone, Soluprès générique. C'est ce qu'a annoncé l'Agence nationale de sécurité des médicaments. Les deux molécules sont de puissants anti-inflammatoires, anti-allergiques et immunosuppresseurs, utilisés dans le cancer, la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn ou encore l'asthme et les allergies respiratoires. Les laboratoires ont été sommés d'importer des produits similaires ou de mobiliser les stocks initialement destinés à l'étranger. Des exemples où on crée des pénuries artificielles dans le domaine de médicaments. Mais c'est vrai que l'appétit des laboratoires pharmaceutiques et puis des grossistes est absolument sans limite. Alors, continuons dans le domaine de la santé avec les frais d'hospitalisation. Eh bien, on assiste à des pratiques illégales, le retour des pratiques illégales. La DGCCRF, Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, a sanctionné la moitié des 198 cliniques privées lucratives contrôlées entre juillet 2017 et septembre 2018. Motif, elles facturaient à leurs malades des frais indus, sous différentes formes. Voilà qui confirme et précise le constat dressé dans notre récente enquête sur le sujet. C'est Que Choisir qui le dit. Ils font référence au Que Choisir numéro 578. L'administration a également jeté un œil sur les pratiques des cabinets de radiologie qui ont tendance à faire payer d'office des frais d'archivage numérique. 47 ont été épinglés sur 273 inspectés. Du côté des cliniques étaient visés les frais administratifs de l'ordre de 10 euros, couramment demandé à l'admission au prétexte d'une mise à jour de la carte vitale ou d'un coup de fil à passer à la complémentaire santé. Or, ces démarches ne font pas partie des exigences particulières du patient, seules susceptibles de justifier une facturation supplémentaire. Elles sont listées par la loi. Il s'agit de la chambre individuelle, de l'accès à la télévision et ou au téléphone, des frais de repas et d'hébergement pour une personne accompagnante, des actes de chirurgie esthétique ou de la conservation d'un corps. En dehors de ces situations limitées, et même avec l'accord du malade, aucun autre frais n'a lieu d'être. Cela vaut donc pour les forfaits ambulatoires, une pratique prisée puisque deux des quatre principaux groupes de cliniques les appliquent. Ils correspondent le plus souvent à une collation améliorée et à une assistance téléphonique la veille et le lendemain du passage à l'hôpital. Quant aux numéros surfacturés pour joindre l'établissement, ils sont également illicites. Les personnes souhaitant appeler l'hôpital doivent pouvoir le faire sans payer de surplus. Chez les radiologues libéraux, ce sont les frais d'archivage numérique qui ont intéressé les agents de la répression des fraudes. Facturables et remboursables quand les examens sont couverts par l'assurance maladie, IRM, scanner, ils sont cependant facultatifs pour des explorations non prises en charge. Les patients doivent avoir été avertis de ce supplément et ne peuvent le refuser. Voilà, que dire par rapport à ça? On revient à des pratiques illicites de plus en plus souvent. Hein. Puis c'est le domaine d'hospitalisation privée à but lucratif. Et là, on a l'impression que tous les coups sont permis pour se faire du fric. Hein, sachant bien que c'est le genre de clinique qui n'assure pas les urgences, etc., etc., qui n'assure pas le service public. Voilà, on va continuer dans d'autres domaines, parce qu'on a beaucoup parlé du domaine de la santé. Je crois que ça vaut le coup de rappeler quand même certains sujets par rapport au domaine de la santé, parce que là, on voit quand même que globalement, les choses se détériorent plutôt que de s'améliorer. Quand on pense, c'est pas moi qui le dis tout seul, c'est Adémat que dans le domaine d'hospitalisation, on assiste à de plus en plus de problèmes, surtout aux urgences. Alors, on va parler de chauffage au bois. Et que choisir de titrer « On s'enflamme pour le granulé ». C'est une première. Les ventes de poêles et de chaudières à granulé ont dépassé celles de poêles et de chaudières à bûches en 2018. Le granulé devient ainsi le combustible bois de référence. C'est ce que souligne Observer, l'Observatoire des énergies renouvelables qui a mené l'étude. Que choisir s'en réjouit. Un rapport de l'INERIS, Institut national d'environnement industriel et des risques, a démontré que le chauffage au bois domestique pouvait être à l'origine de fortes émissions de polluants. Les appareils à bûches, à l'exception du poêle de masse et des chaudières en sont les grands responsables. Les cheminées, les inserts et les poêles à bois polluent trop, y compris d'ailleurs s'ils sont bien classés par le label flamme verte, car ces tests excluent les phases les plus polluantes, à savoir les 10 à 15 minutes qui suivent l'allumage, les rechargements en bûche, de même que le fonctionnement à allure réduite. Des problèmes inexistants avec des poêles à granulés, en raison de leur alimentation automatique, à la fois en combustible et en air. Voilà, en sachant quand même qu'il y a des chaudières à bois aujourd'hui qui polluent peu, qui polluent beaucoup moins que les chaudières classiques, et puis qui ont un rendement plus intéressant. Mais bien sûr, c'est très cher et très compliqué, puisque il faut maintenant de l'électricité pour faire fonctionner ce type de chaudière. C'est vrai aussi, de toute façon, pour les poêles et les chaudières à granulés. Voilà ce qu'il fallait dire. Et puis les fameuses cheminées à l'âtre, bien sûr, c'est certainement le moins génial et puis le plus polluant, mais déjà pour les personnes qui sont dans la pièce où sont ces cheminées à l'âtre. Alors, la SNCF, toujours épinglée par Que choisir, nouvelle grille de prix. Avec la nouvelle gamme tarifaire, il n'existe plus que trois tarifs pour les billets de train SNCF. Seconde, première et business première. Tous les billets sont désormais échangeables et remboursables. Gratuitement jusqu'à 30 jours avant le départ, moyennant 5 euros jusqu'à 2 jours et 15 euros jusqu'au départ du train. Une nouvelle carte de réduction, avantage, a également été créée. Ces quatre déclinaisons. Autre nouveauté, la carte Liberté, elle permet de voyager toute l'année avec 45% de réduction en première ou 60% en seconde, pour un prix annuel de 399 euros quand même. Il faut voyager beaucoup par le train pour que ça soit valable. Ces détenteurs profiteront des mêmes privilèges que pour la classe business première s'ils étaient titulaires d'un abonnement ayant avant la nouvelle grille. Voilà, que dire par rapport à ça? Bien sûr que de toute façon, c'est quand même cher. Hein. Si on voudrait véritablement développer les transports en commun, je crois que quand même qu'il faudrait quand même diminuer globalement les prix et rendre l'accès au train plus facile qu'aujourd'hui. C'est le gros problème étant que la SNCF, bien sûr, est en déficit. Mais si on veut véritablement protéger l'environnement, favoriser les transports en commun, ben, je pense que c'est à la collectivité, à l'État, de mettre la main à la poche pour pouvoir justement offrir des transports en commun de qualité et pas trop cher. Hein, quand on voit un petit peu le prix des autocars ici, on se dit, enfin, si on n'a pas de carte de réduction, ça devient pratiquement prohibitif. Alors, le cancer colorectal, on revient dans le domaine de la santé. Il y a une alerte de Que choisir. Le dépistage perturbé. Manquera-t-on de kit de dépistage du cancer colorectal? L'assurance maladie affirme mettre en œuvre pour répartir équitablement sur le territoire les stocks restants. Elle a lancé deux procédures exceptionnelles pour en acheter d'autres, en s'affranchissant des règles d'achat officielles. Mais il est clair que la continuité du dépistage est compromise depuis l'annulation de la procédure de renouvellement du marché de fourniture des tests de dépistage par le tribunal administratif de Paris. Le 1er avril dernier, l'assurance maladie n'aurait pas respecté les règles d'attribution, a estimé le juge des référés, saisi par trois entreprises dont la candidature avait été écartée. La procédure doit donc être reprise, ce qui prendra plusieurs mois. L'affaire n'a rien de nouveau, le précédent appel d'offres avait aussi été contesté, d'où un feuilleton judiciaire qui avait duré 4 ans. En attendant, le dépistage risque d'être perturbé et des diagnostics retardés. Ben oui, c'est bien. Alors, on distribue beaucoup de tests. Il faudrait peut-être aussi que, plutôt que distribuer systématiquement les tests, un par tranche d'âge, bien sûr, bien peut-être que les personnes, je sais pas, qu'il y a un distributeur ou qu'il y ait d'autres moyens que de généraliser ce dépistage. Alors, électroménager, quand même des bonnes nouvelles. La réparation façon SEB. Par souci de protection de l'environnement et de lutte contre le gaspillage, le leader mondial de l'équipement domestique a lancé son initiative 10 ans réparable. SEB n'a pas attendu l'application de l'indice de réparabilité obligatoire à partir du 1er janvier 2020 pour s'y mettre. Ce nouveau critère permettra d'attribuer une note de 1 à 10 aux appareils électriques et électroniques afin de lutter contre l'obsolescence programmée. Depuis une dizaine d'années, les équipements de la marque française sont réparables grâce aux 6 millions de pièces disponibles partout en Europe et à un réseau de 6 500 réparateurs. Formé. CEP s'engage pendant 10 ans après l'achat d'un produit à garder toutes les pièces nécessaires à sa réparation. Si une pièce manque, elle sera imprimée en 3D afin de résoudre rapidement le problème. Pour faciliter cette initiative, le fabricant propose des appareils aisément démontables et remontables. Et si le cœur n'y est pas, pour en acheter un nouveau, il existe toujours la possibilité de louer du matériel culinaire. Créé à Dijon en 2015, le service Eurocook vient d'ouvrir 5 points de location dans des magasins Monoprix parisiens. D'ici à la fin de 2019, si le projet fonctionne bien, CEP devra l'étendre à plusieurs autres pays européens, puisque c'est effectivement le producteur d'électroménager, de petits électroménagers, le plus important en Europe, voire dans le monde, hein, parce que de toute façon, CEP a installé des usines en Chine et au Brésil, hein, pour ne citer que ces deux pays-là, hein, ce qui lui a permis de fermer certaines usines en France, dont celle du syndicat Saint-Amé. Voilà. Oui, on a le temps de s'accorder une pause musicale. Oui. Reprendre un peu notre respiration. Ouais. La mer sans arrêt roulait ses galères. Les cheveux défaits, ils se regardaient. Des pins, du sable et du thym qui baignaient la plage. Ils se regardaient tous deux sans parler, comme s'ils buvaient l'eau de leur visage. Et c'était comme si tout recommençait, la même innocence les faisait trembler. Devant le merveilleux, le miraculeux voyage de l'amour. Dehors, ils ont passé la nuit, l'un contre l'autre, ils ont dormi. La mer, longtemps, les a bercés. Et quand ils se sont éveillés, c'était comme s'il venait au monde dans le premier matin du monde. La mer sans arrêt roulait ses galères. Quand ils ont couru dans l'eau les pieds nus, à l'ombre des pins se sont pris la main et sans se défendre dans l'eau comme deux oiseaux. Sous le baiser chaud de leur bouche tendre. Et c'était comme si tout recommençait, la vie, l'espérance et la liberté. Avec le merveilleux, le miraculeux voyage de l'amour. Eh bien voilà, une chanson déjà ancienne, hein, de Jean Ferrat, le regretté Jean Ferrat, qui a mis à la mode la chanson française, une certaine forme de chanson française. Et Deux enfants au soleil, ben on aime bien évoquer cette chanson. On est là bientôt en été. Et voilà, l'été, les bains de mer, la plage, ça nous ferait rêver, hein, n'est-ce pas? Voilà, alors je voudrais parler des actions nationales de Que Choisir, des actions locales aussi. Alors, par rapport à Facebook, plus de 400 clauses abusives épinglées. Et de 3, après Twitter et Google, Facebook vient d'être condamné à la suite de l'action de l'UFC Que Choisir par le tribunal de grande instance de Paris pour 430 clauses abusives illicites dans ses conditions générales. Un jugement susceptible d'appel. Un an après le scandale Cambridge Analytica, l'exploitation de données personnelles d'abonnés au réseau social, et alors que plusieurs failles de sécurité touchant des millions d'utilisateurs ont été relevées, cette décision rappelle Facebook à ses obligations. Au-delà de l'opacité des pratiques de ce dernier, informations diluées, termes vagues, clauses peu compréhensibles, voire obscures, ce jugement épingle sa politique de collecte systématique et d'exploitation commerciale des données personnelles, ainsi que le tout partage sans consentement. Pionnière dans le combat contre ces abus commencés il y a plus de 5 ans, l'UFC Que Choisir a été rejointe par les autorités de contrôle et la Commission européenne. D'ailleurs, le jour de la condamnation de Facebook, Bruxelles se félicitait de voir le réseau social s'engager à modifier rapidement ses pratiques et conditions générales. Il est bien évident que l'UFC Que Choisir y veillera. Alors, on reparle dans Que Choisir du dioxyde de titane pour réactualiser un petit peu. Alors, il y a une première victoire des consommateurs. Il était temps. Le parcours du combattant pour obtenir l'interdiction du dioxyde de titane, le fameux E171 ou TiO2 dans les produits alimentaires, a été prévu par la loi agriculture-alimentation votée l'an dernier, touche à sa fin. Aiguillonné par un collectif d'ONG auquel l'UFC Que Choisir appartient, le ministère de l'économie qui s'est engagé à respecter la volonté du législateur a tenu parole. Un arrêté interdit à compter de 2020, il faut encore attendre quand même, l'utilisation de cet additif controversé dans les produits alimentaires, eu égard au risque qu'il fait peser sur la santé. Et puis, c'est un peu d'utilité, hein, puisqu'il ne s'agit que d'un colorant rouge. Cette décision intervient après la publication d'un avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, l'ANSES, qui préconise, en application du principe de précaution, de limiter l'exposition des consommateurs à cet additif. C'est une victoire, mais il faut aller beaucoup plus loin. Le dioxyde de titane est également présent, d'après le dernier décompte Que Choisir, dans environ 4000 médicaments et 7000 cosmétiques pouvant être ingérés, tels que les dentifrices, les baumes et rouges à lèvres, etc. Et ce, y compris dans leur version destinée aux enfants. L'UFC Que Choisir appelle donc le gouvernement à étendre cette interdiction à tous les produits à risque. Voilà, et puis, je vais quand même citer le billet d'Alain Bazot, président de l'UFC Que Choisir, qui parle de la tendance à déconsommation, un fourre-tout. Oui, puisque là, on arrive quand même à une phase maintenant où on peut se poser la question par rapport à une déconsommation. Déconsommer selon plusieurs études, ce serait le nouveau credo des Français. Ils refuseraient dorénavant de contribuer aux excès de la société de consommation et limiteraient leur achat. Alimentation, habillement, énergie. Aucun secteur n'échapperait à ce mouvement de fond. Et Alain Bazot de dire « J'avoue demeurer circonspect face à ce concept unique qui recouvre, selon moi, une myriade de réalités, entre l'acte politique, parfois radical, de certains militants, la consommation plus réfléchie aboutissant à de nouveaux arbitrages, ou encore la dure réalité de certains budgets, il y a des fossés impossibles à combler. » Peut-on parler de déconsommation lorsque celle-ci, crise du pouvoir d'achat, oblige et subit, pour une part non négligeable de la population, contrainte de rogner sur la nourriture, de renoncer aux loisirs, voire aux soins, quant à associer ce concept au fait de préférer le vrac aux produits suremballés, le réparable au jetable, le sobre à l'énergivore. Certainement pas. S'il y a une tendance profonde, c'est bien l'aspiration à une consommation plus saine et soucieuse des enjeux sociétaux et environnementaux. Une consommation qui s'inscrit dans un ensemble de valeurs qui transcende l'intérêt individuel. Il ne s'agit donc pas forcément de consommer moins, mais de consommer mieux, de manière plus rationnelle et responsable. Ce mouvement, plutôt qualifié de néoconsommation, l'UFC Que Choisir le porte et entend le faire prospérer. Ben voilà, je crois qu'on est dans une logique consumériste, hein, c'est-à-dire consommer mieux, hein, peut-être moins aussi, c'est évident, parce que et puis opter pour des produits moins énergivores, etc., c'est véritablement le nouveau credo qui devrait être pour protéger l'environnement, la biodiversité, etc., empêcher le réchauffement climatique. Il y a beaucoup de choses là, hein, mais comme le dit Alain Bazot, hein, il ne faut pas confondre avec le fait que certains ne peuvent plus consommer ou consomment beaucoup moins, même de nourriture, parce que leur budget s'est trouvé beaucoup comprimé par la crise. Ou par le chômage, par exemple, hein, bien sûr, enfin les revenus moindres. Voilà. Alors, il y a le fameux Nutri-Score. Il y a une pétition pour l'imposer dans l'Union européenne. De quoi s'agit-il? La campagne Europe entend les consommateurs l'a souligné. Pour les Français, l'une des priorités de la prochaine mandature européenne, c'est la généralisation du Nutri-Score. Sur la base de ce constat, l'UFC Que Choisir passe à l'action. Avec 6 de ses homologues européens, l'association lance une initiative citoyenne. Il s'agit en fait d'une pétition. Elle aboutira, en cas d'obtention d'1 million de signatures d'ici à 1 an, à un positionnement de la Commission européenne sur cet étiquetage nutritionnel simplifié. Celui-ci a fait la preuve de son efficacité, comme l'indiquent différentes études. L'objectif de la démarche intitulée Pro Nutri-Score est clair: rendre obligatoire le système officiel français, qui se généralise dans plusieurs pays d'Europe, dans tous les États membres de l'Union, permettant, en un coup d'œil, de connaître l'intérêt nutritionnel d'un produit. Cet étiquetage améliore l'information des consommateurs et plus largement tend à protéger leur santé. L'UFC Que Choisir appelle donc les lecteurs de Que Choisir à se mobiliser et à signer cette pétition directement sur le site ad hoc de la Commission européenne ou via www.quechoisir.org. Voilà, on peut parler, alors Que Choisir parle d'automédication. L'autorité de la concurrence a rendu un nouvel avis en faveur d'une libéralisation encadrée de l'automédication, autrement dit la vente de médicaments sans ordonnance, en grande surface ou en parapharmacie, sous le contrôle d'un pharmacien. Cette demande ancienne de l'UFC Que Choisir permettrait une économie de 250 millions d'euros par an. Voilà, bah oui, parce que là, les laboratoires seraient bien obligés d'accepter une certaine forme de concurrence et puis bien sûr des prix plus bas que ceux qui existent en pharmacie traditionnelle. Et sur le financement participatif aussi, l'UFC Que Choisir agit. Elle dénonce régulièrement les graves défaillances des plateformes de financement participatif, notamment le manque d'informations fiables. L'association a obtenu dans le cadre de la loi Pacte l'adoption d'un amendement prévoyant la mise en place d'indicateurs fiables. Voilà, ben, que dire encore? On n'arrive pas au bout de cette émission. Hein. Alors, il y a une convention, l'Académie de droit, plongée dans les litiges. Bernard Brua, président du UFC Que Choisir d'Aix-en-Provence, est ravi de la convention signée entre l'association locale et l'Académie de droit d'Aix-Marseille au début de l'année 2018, lancée sous l'impulsion d'une élève avocate qui effectuait à l'époque son stage au sein de l'association locale, ce projet de clinique juridique est donnant-donnant. Les bénévoles de l'UFC transmettent des courriers anonymisés, de consommateurs en proie en litige aux 60 étudiants de master. Tous les domaines de la consommation peuvent être abordés. Banque, commerce, immobilier, transport. La liste est longue. Les élèves ont 72 heures pour apporter une réponse juridique détaillée, validée par le professeur Frédéric Rouvière, directeur de l'établissement. Et le système fonctionne durant l'année 2018. L'association locale a envoyé 400 courriers. Cela permet aux étudiants d'être confrontés à des cas concrets et de s'exercer à la rédaction. Ils se mettent par groupe de 2 ou 3. Ils sont évalués sur ce travail. Nous bénéficions de réponses approfondies qui nous font gagner beaucoup de temps dans le traitement des dossiers. C'est ce que se réjouit Bernard Bruat. Les retombées pour l'association ne sont pas fait attendre, indique son président. Nous avons eu 100 nouvelles adhésions en 2018. 4 étudiants de l'ADAN sont parvenus. L'ADAN, c'est le nom de cette structure de la faculté de droit. 4 étudiants de l'ADAN donc, sont devenus bénévoles. Et nous accueillons actuellement 3 en stage. On a de la chance et ils ont de la chance de nous avoir. Un lot de bonnes nouvelles qui profitent au premier lieu aux consommateurs. Voilà, je crois que c'est quand même un exemple. On est à Aix-en-Provence, mais c'est un exemple qui pourrait s'étendre à toute la France, c'est-à-dire que véritablement, on ferait travailler les étudiants en droit, les futurs avocats, la plupart, ou magistrats, au problème de la consommation, un problème qui est quand même particulièrement vaste et particulièrement essentiel dans une société comme la nôtre, où la concurrence fait rage, mais où la qualité des produits n'est pas toujours au rendez-vous. Voilà. Alors, il y a d'autres. On va revenir quand même à que choisir, parce que c'était que choisir du mois de juin déjà. C'est bien que choisir du mois de juin. Et donc parler des dossiers qui sont soumis aux lecteurs. Dans les différents dossiers, on va les reprendre. Il y a quand même des choses particulièrement intéressantes dont il faut dire quelques mots, à savoir l'alimentation, révélation sur le lobbying des marques. Et ça, c'est intéressant. Et bien sûr, on ne va pas détailler ce dossier. On n'est pas là pour ça. On est là simplement pour parler d'actualité consumériste. C'est vrai que les marques font un lobbying particulièrement intéressé, y compris à Bruxelles, d'ailleurs. Alors, il y a des tests labos de que choisir. La préparation à base de soja, des molécules indésirables. Ah ben oui, c'est vrai que le soja, toujours pareil, quoi. Il y a à boire et à manger. La protection du domicile et que choisir de démontrer les systèmes les plus efficaces. Les enceintes Bluetooth, qualité sonore et simplicité. Et puis, en gros, les matelas pour bébés. Attention, substances toxiques. Eh oui, comme beaucoup de literies, il y a des substances toxiques. Les vélos électriques, lequel choisir? Alors, il y a un test et un guide d'achat pour les vélos électriques. De 1300 euros à 2300 euros. Voilà, ça dépend de la qualité, de la performance que l'on veut. Alors, pour en venir aux réclamations des lecteurs de que choisir, et puis en particulier de la presse consumériste, on parlerait de l'injustice le dispute à l'absurdité concernant les amendes SNCF. J'en ai déjà parlé lors d'un dossier précédent. Écopé d'une amende dans le train, alors qu'on est de bonne foi, laisse toujours un amer sentiment d'injustice, comme le montrent les courriers des lecteurs de Que Choisir. Mais lorsqu'on est détenteur d'un billet plus cher que celui qu'on aurait dû payer, c'est la stupeur qui prend le dessus, et l'exaspération devant tant d'absurdités. Christelle Bertin peut en témoigner. Une telle mésaventure est arrivée à sa fille, Suzy, âgée de 15 ans. Celle-ci a l'habitude de prendre le train entre Le Havre, 76, où elle habite, et Yvetot, toujours dans le 76, où elle rend visite à son père. Le 9 février, retardée par une manifestation, elle arrive à la gare, seulement quelques minutes avant le départ de son train. Titulaire d'une carte régionale lui donnant accès à une réduction due à son âge, l'adolescente utilise d'ordinaire un distributeur dévolu aux parcours locaux. Mais tous sont déjà occupés. Pressée par le temps, elle se dirige vers l'appareil dédié aux trajets nationaux et achète un billet réservé aux détenteurs de la carte jeune nationale qu'elle n'a pas. Ce billet coûte 4,10 euros au lieu de 4 euros habituellement payés. Elle monte donc dans le train, l'esprit serein. Malheureusement pour elle, elle va tomber sur un contrôleur qui, sourd à ses explications, lui inflige une amende de 35 euros, montant dont la jeune fille ne peut s'acquitter immédiatement, n'étant ni titulaire d'une carte bancaire, ni en possession de cet argent liquide. L'agent dresse alors un procès-verbal comprenant 50 euros de frais de dossier. La somme à payer passe donc à 85 euros. Choquée, la maman envoie une réclamation à SNCF et reçoit une réponse sur laquelle l'employé, Sabine R, n'a même pas pris la peine de rayer les mentions inutiles. Elle assure que l'infraction est parfaitement constituée. Elle menace, faute de paiement, de transmettre le dossier au Trésor public qui réclamera 180 euros à 375 euros. Le courrier n'évoque même pas la possibilité de saisir la médiatrice SNCF. L'excès de zèle de certains contrôleurs est gênant. Mais que leur direction le cautionne, ça m'a mise dans une colère, s'exclame Christelle Bertin. J'ai raconté mon histoire sur les réseaux sociaux et j'ai reçu un nombre considérable de messages de gens à qui il était arrivé le même type de mésaventure. Il vaudra un mauvais buzz et le récit de cette injustice sur le quotidien Paris-Normandie pour que la SNCF réagisse. Son service commercial appelle la mère de Suzy pour lui présenter ses excuses et l'avertir que l'amende est annulée. Manifestement, certains contrôleurs ont des comportements abusifs, avance-t-elle, confirmant un constat que nous avons pu faire, dit Que Choisir, au vu de vos courriers. C'est toujours Que Choisir qui le dit. C'est d'autant plus critiquable que l'entreprise n'est pas irréprochable, loin de là. Sur la ligne Le Havre-Paris, on a souvent des retards, des incidents de tous ordres. Dans ces conditions, elle ne peut pas exiger que ses clients soient parfaits. Sincèrement, aujourd'hui, si j'ai l'occasion de voyager en bus ou en covoiturage, je le ferai. Puis je crois que là, c'est une leçon à retenir parce que c'est vrai que c'est de plus en plus difficile d'accéder à un train. Comment prendre un billet de dernière minute? C'est presque impossible, surtout quand tu es distributeur de billets, puis qu'on n'a pas de carte bleue, qu'il faut. C'est pas facile d'avoir un billet quand on veut prendre un train à la dernière minute. Hein. Surtout que les guichets, aujourd'hui, il n'y en a presque plus. Il y en a de moins en moins, il y a de moins en moins de personnel. Et puis, il faut réserver ses places, etc. Bon, on voit quand même que c'est problématique. Voilà. Alors, que choisir de conclure? Un excès de zèle des contrôleurs apparemment cautionné par leur direction. Les effets se feraient sentir en particulier sur les liaisons régionales. Sur certains TER, on supprime les contrôleurs, ceux qui restaient à demeure dans le train, pour faire les économies de personnel. À la place, on met des brigades et leur demande de taper fort. C'est ce qu'assure Laurent Saint-Exupéry. Et même quand il ne s'agit pas d'une sanction proprement dite, les usagers sont davantage ponctionnés. Le syndicaliste poursuit. Autrefois, si vous partiez d'une petite gare où il n'y avait pas de guichet ni de distributeur, vous alliez voir le contrôleur et vous vendez un billet tarif guichet. Aujourd'hui, c'est un forfait selon les tranches kilométriques, appelé barème exceptionnel, plus coûteux. Nous avons interpellé les conseils régionaux. Un certain souhaite revenir aux tarifs antérieurs. Mais cela pose un problème d'égalité de traitement entre usagers de différentes régions. Si les deux cas se cumulent, gare sans possibilité d'acheter un billet et absence de contrôleur à bord, le voyageur se retrouve dans une situation kafkaïenne, car une brigade peut monter et lui adresser la même amende qu'un fraudeur patenté. Est-ce un hasard si, selon les derniers chiffres, le nombre de contestations de procès-verbaux auprès de la médiatrice SNCF a augmenté de 37% entre 2016 et 2017. Voilà, puis de souligner, que je veux dire, de souligner le mécontentement des usagers. Certains agents ont manifestement la main lourde à dessein. La politique de leur direction en matière de contrôle explique aussi le mécontentement grandissant des passagers. Primo, les montants des amendes sont de plus en plus élevés. Secondo, les sanctions sont de plus en plus rigoureuses. Désormais, la SNCF considère la plupart du temps comme voyageurs sans billet ceux qui ont un billet inadapté. Par exemple, un usager entre une réservation pour le train précédent ou un TER, alors qu'il souhaite finalement prendre un intercité sur le même parcours. Tertio, les contrôleurs ont de moins en moins de marge de manœuvre pour apprécier la bonne foi des voyageurs. Nous interpellons la direction sur cette politique depuis 2 ans. Nous estimons que c'est une folie d'agir ainsi, déplore Laurence Saint-Supéry. Pas Exupéry, hein, je me suis trompé tout à l'heure. La Fédération CGT des cheminots. Les usagers ont le sentiment légitime que les choses se sont durcies, car c'est un appareil connecté qui lit les billets. C'est presque lui qui dresse les PV. Il y a peu de possibilités pour le contrôleur de forcer l'appareil. Et s'il le fait, sa hiérarchie lui demande des comptes. On nous envoie au casse-pipe en supprimant une part importante de notre travail, qui est de juger les situations. Voilà, il nous reste un peu de temps. Ah, on a dépassé l'heure, alors bon, tu envoies l'indicatif. Et puis, je souhaite une très très bonne fin de soirée à tous nos auditeurs. Et puis, je leur donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission de La Parole est à vous.